quatrième et dernier temps de notre série sur l'Égypte antique dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, l'exposition Toutankhamon qui ouvre après-demain à Paris à la Grande Halle de la Villette. Après avoir écouté lundi Damien Agut nous parler des découpages chronologiques appliqués à l'Égypte ancienne, puis mardi nous être approchés de l'administration des royaumes, avant hier de nous arrêter sur les relations de l'Égypte avec ses voisins, nous allons ce matin revenir sur le phénomène Toutankhamon, alors qu'après-demain ouvre à Paris l'exposition Le Trésor du Pharaon. Nous allons débuter par la rediffusion d'un documentaire de 2006 signé Amélie Meffre et Véronique Lamandour autour de l'exposition Monstre de 1967 qui avait déjà pour objet au Petit Palais, la figure du jeune roi Toutankhamon. Puis en deuxième partie, Dominique Farou, conseiller scientifique de celle de 2019, nous expliquera ce qui a changé dans la connaissance de ce jeune pharaon depuis 52 ans. Toutankhamon à Paris. De février à septembre 1967, les trésors du pharaon Toutankhamon sont exposés au Petit Palais. L'événement, qui ramènera quelques 1,2 million de visiteurs, est orchestré par Christiane Desroches-Noblecourt. C'est elle, 7 ans auparavant, qui lançait un appel solennel à la tribune de l'UNESCO pour sauver les temples de Nubie, menacés de noyade par les eaux d'un barrage prévu en amont d'Assouan. J'ai souvent été en Égypte, j'arrive une année, c'était pour une mission quelconque, une mission scientifique, et j'apprends qu'un drame allait se faire en Égypte. On allait faire un barrage qui couperait le flot du Nil au sud d'Assouan, c'est-à-dire à la frontière de l'Égypte et du Soudan, pour faire de la Nubie, qui était le pays intermédiaire entre le Soudan au sud et l'Égypte, pour faire une sorte de réservoir. C'était donc le drame pour les Nubiens qui allaient être obligés de déménager sur 380 km de longueur sur les deux rives. C'est épouvantable. Alors j'ai été voir le ministre de la Culture, heureusement je le connaissais. Il s'appelle Sarwa Tokacha, un type très très bien. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, on se tutoie en arabe. Il m'a dit, je peux rien faire. J'ai toutes les autorités contre moi. Ils veulent avoir de l'eau. Il faut vivre. C'est le grand problème dans tout le Proche-Orient. Alors, je lui ai dit, c'est pas possible. C'est le patrimoine de l'humanité. Alors, j'ai dit, il faut lancer un appel. Alors, j'ai été voir le directeur général de l'UNESCO, que je connaissais pas. Et j'ai demandé un rendez-vous par des amis communs. Je lui ai expliqué l'histoire. Je suis tombé sur un homme remarquable qui s'appelait René. Formidable. Il m'a dit, votre Nubie, je ne sais pas si elle existe, mais j'y crois. C'est un type formidable. Et alors, j'ai organisé, grâce aux fonds de l'UNESCO, parce qu'ils ont toujours des fonds quand il s'agit d'une entreprise nouvelle, un voyage pour connaître la Nubie, pour savoir ce que c'était que ces monuments qui allaient disparaître, dont Abou Simbel. J'ai organisé une croisière pour 24 spécialistes. Et spécialiste en histoire de l'art, égyptologue, qui n'avait jamais été là-bas. C'était pourtant pas tellement loin, mais c'était un désert. Entre la première et la seconde cataracte, c'est un désert, il n'y avait rien. François Chasseron, vous me racontiez que vous étiez déjà allé en Égypte. Exactement. J'avais eu la chance d'avoir une grand-mère voyageuse qui, en 1960, m'a emmenée en Égypte. À l'époque, autant vous dire qu'il n'y avait pas de touristes. Ça n'existait pas, le tourisme en Égypte. Songez qu'on fermait le temple de Karnak. Enfin, plus exactement, on ouvrait le temple de Karnak la nuit, où maintenant, il y a le son et lumière. Et bien là, les nuits de pleine lune, le temple était ouvert et on pouvait se promener. C'était merveilleux. Il y avait 15 touristes qui se promenaient dans ce temple ouvert à la nuit. C'était vraiment extraordinaire. Et puis surtout, je crois que je fais partie des rares personnes encore vivantes, je dirais aujourd'hui, qui ont vu Abou Simbel dans son site d'origine. Et ça, c'est un souvenir que vraiment je garderai gravé en moi parce que c'était quand même extraordinaire. On partait d'Assouan en bateau, on faisait une nuit de bateau et on arrivait là au matin vers 9h et le temple était au coude d'une île. Et donc d'un seul coup, d'abord on le voyait de loin, puis d'un seul coup on ne le voyait plus, puis on le voyait. C'était mais vraiment un moment extraordinaire. Il y avait cette plage de sable blond avec, je me souviens, des tamaris. Personne, bien sûr. Et puis d'un seul coup, quand vous étiez à terre, vous savez, c'est comme toujours dans le désert. Il y a des gens qui arrivent, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, on est resté peut-être 3 heures, 4 heures. Ça fait rêver maintenant. Je me souviens vraiment de cette visite. Ça a été un grand moment. Donc, quand vous avez vu ça, les travaux ont commencé très peu de temps après. Ils ont battu le mur de pâle planche, etc. C'est vrai. Moi, je voulais faire de l'archéologie grecque. Je suis revenue en disant, je ne ferai que de l'archéologie égyptienne. Alors, j'ai été voir le ministre de la Culture égyptien. Heureusement que je le connaissais parce que c'était un peu trop d'audace. Et je lui ai dit, écoute, il faut absolument que tu, toi qui es ministre de la Culture, organises au sein de ton gouvernement la possibilité de faire une exposition d'objets égyptiens à Paris. Paris, c'est la patrie de Champollion. Et puisque moi-même, j'essaye de faire tout ce que je peux pour les monuments égyptiens, il vaut mieux faire ça à Paris. J'en prends l'initiative, tant mieux si ça réussit. Et cette exposition ne peut se faire que par un trésor, donc c'est pas la peine. Alors j'ai pu obtenir de sortir les objets des vitrines. Pourquoi ? Parce que j'avais tellement fait tout ce que je pouvais pour faire sauver les monuments de Nubie que le ministre de la Culture n'a pas pu me refuser de faire sortir les objets de Toutankhamon. Ah mais c'était un événement. Ça a été d'abord un événement qu'à l'intérieur de l'école du Louvre, on a quand même vécu. Parce que Christiane Desroches Noblecourt était notre professeure d'égyptologie, donc effectivement, elle nous a fait vivre cet événement pas à pas. Ça a été d'abord une bagarre épouvantable. Ça a duré 2 ans, le choix des objets, malgré le ministre égyptien de la Culture, il avait des fonctionnaires qui n'étaient pas du tout habitués à voir sortir un objet de leur vitrine. C'était l'époque où on ne prenait pas encore les objets. Et ça a été une lutte terrible avec les fonctionnaires égyptiens. France Inter. Février 1967. Eh bien, ce matin a eu lieu le vernissage. Et c'était évidemment le rôle des deux ministres de la Culture, le français et l'égyptien, M. André Malraux et M. Sarwat Okasha, qui ont tous les deux tant fait pour cette réalisation, de visiter les premiers. Ce choix d'œuvres égyptiennes incomparables qui ont été présentées avec autant d'intelligence que de goût par Mme Christiane Desroches Noblecourt. Il revenait à Mme Noblecourt de commenter pour les deux ministres chacune des vitrines. Lorsque la visite a été terminée, nous sommes parvenus dans la dernière salle qui est dominée par un extraordinaire colosse du jeune roi Toutankhamon, étrangement beau et admirablement, terriblement mutilé. M. Sarwat Okasha, vice-premier ministre de la République arabe unie, a pris le premier la parole. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je suis très ému en voyant les trésors de l'antiquité de mon pays, éclatant d'une beauté toute fraîche dans cette ambiance faite du goût le plus sûr. Les différentes salles du petit palais, tendues de soie et de velours précieux, forment un écran particulièrement adapté à chacun de ces objets millénaires. Et je suis heureux de me trouver près de ce colosse qui, par sa vigueur, nous confirme à travers les siècles le message du jeune monarque, l'immortalité de l'empreinte de la pensée de l'homme sur la matière. Je suis profondément touché de cette initiative, inspirée du ministre d'État des Affaires culturelles, secondée par la grande égyptologue Madame Desroches Noblecourt. C'est donc avec plaisir que je constate ici le resserrement des relations culturelles entre mon pays et le vôtre. Trouvons là, mes amis, un symbole merveilleux de l'universalité de la culture. Quelque chose d'extraordinaire. Par les objets présentés, d'une part, leur qualité, leur beauté, leur intérêt. Françoise Chasseran. Et d'autre part, par une muséographie comme on n'avait pas du tout l'habitude d'en voir. Aujourd'hui, on est davantage sensibilisés à ces muséographies. Mais là, je crois que c'était peut-être la première où il y avait un réel souci de mettre les objets quelque part en situation. Et le souvenir que j'ai, c'est d'abord de deux salles plutôt claires. Peut-être que je me trompe, hein, mais plutôt claires. D'abord la première avec cet extraordinaire colosse d'Amenophis IV. Ça, c'était vraiment qui était, je crois, me rappeler au centre de la salle. Et qui vraiment vous happait hein, quand vous entriez. Puis autour d'autres objets de qualité, mais bon, c'était vraiment celui-là. Si je me souviens bien, il y avait une deuxième salle aussi claire, avec des objets qui avaient peut-être appartenu, si je me souviens bien, à Toutankhamon quand il était enfant, avec, je me souviens, d'un petit siège, etc. D'un petit tabouret aussi, en bois blanc, avec le sématawi, ça, je me souviens très bien de ça. Et puis, d'un seul coup, on rentrait, donc, si je me souviens bien, c'était la troisième salle, on était plongé absolument dans le noir. C'était les ténèbres et le début du voyage funéraire du roi pour sa renaissance. Et donc, là, c'était vraiment tout à fait extraordinaire, parce qu'on était dans le noir, seules les vitrines avec les objets étaient éclairées. Et si je me souviens bien, dans cette première salle noire, on était accueillis par le cas du roi. Ce cas noir et or, avec son affenette dorée, qui vous faisait face quand vous entriez. C'est vrai que c'était extraordinairement spectaculaire, hein, c'était étonnant. Alors, un trésor d'abord, tout en Toutankhamon. Oh, le seul trésor connu, trouvé en Égypte, intact. Christiane Desroches-Noblecourt. À peu près, il y avait eu quelques petites visites de voleurs. Ensuite, on n'avait jamais vu ça à Paris. Puis naturellement, la propagande est venue, il y a des tas de journalistes très gentils, mais qui ont quand même voulu souligner la chose. Jamais aucun pays n'a pu obtenir ça, etc. Moi, je leur disais, mais taisez-vous, ce sont des gaffes qui vont nuire. Enfin, bon, très bien. Enfin, ça a été extraordinaire, parce que tout le monde savait que Toutankhamon n'était jamais sorti de ses vitrines. Eh bien, j'étais arrivé à l'obtenir. Il va de soi, monsieur le vice-premier ministre, que la France remercie votre pays pour avoir envoyé ici tous ces objets. C'est une marque d'amitié dont je parlerai tout à l'heure. André Malraux. Mais l'exposition même vient de m'étonner beaucoup, comme vous-même, car nous avons vu ces objets depuis longtemps au Caire, mais enfin, nous ne les avions pas vus dans d'autres conditions. Et ce qui paraît ici, dans cette présentation si particulière, c'est l'incroyable leçon que l'Égypte aura pu donner sur la vie. On a écrit depuis Champollion que c'était le pays de la mort. Cet art qui est si souvent funéraire n'est à peu près jamais proprement funèbre. Autrement dit, l'Égypte n'a jamais connu le squelette. Ce qu'elle allait chercher dans la mort, c'était précisément la suppression de la mort, le fait de concevoir la vie humaine comme une éternité. J'ai souvenir aussi, alors donc, de ce parcours, je crois qu'il y avait au moins trois salles, quatre salles un peu noires. Et dans une des salles, peut-être c'était la dernière de ces salles qui évoquait le voyage souterrain du roi, il y avait une salle qui évoquait sa renaissance. Et là, il y avait le petit dieu Ii, c'est-à-dire Toutankhamon, sous les traits du petit dieu Ii, avec la mèche de l'enfance, et qui était debout et tout noir, hein, puisqu'il est en transformation, il évoque l'idée de la transformation de la renaissance du roi, et ce petit dieu agitait devant lui le sistre. Et au pied, on avait mis, Madame Desroches-Noblecourt avait fait mettre un bassin dans lequel il y avait des papyrus. Ça, je m'en rappellerai toujours. Alors, est-ce que c'était au pied, est-ce que c'était loin? Mais enfin, il y avait vraiment ce bassin avec des papyrus qui évoquait les marécages primordiaux, ces marécages où l'enfant roi qui est assimilé au dieu Horus et donc qui évoque les marécages de Khémenis où la déesse Isis avait fait naître son fils et l'avait protégé et amené jusqu'à l'âge adulte. C'est vrai que cette exposition était un vrai phénomène. puisque je crois que la moyenne journalière devait tourner autour de 7000, si je ne me trompe. Irène Bizot. Et ça pendant une durée de 6 mois. Ça n'a pas désempli, si je peux dire, l'exposition. Il n'y a pas eu de haut et de bas. Il y a eu une fréquentation constamment très élevée. Vous avez des souvenirs, justement, d'une foule comme ça devant le Petit Palais ? Ah oui, j'ai tout à fait le souvenir d'une foule. J'ai tout à fait le souvenir d'une foule et j'ai le souvenir de cette cérémonie du millionième visiteur. C'était la première fois qu'il y avait un millionième visiteur dans une exposition, bien sûr. Alors on a fait une cérémonie du millionième visiteur qui gagnait, je crois, un voyage en Égypte offert par probablement par Égyptaire ou par... Ça donnait lieu à une opération médiatique, bien sûr. Et puis, il y avait une autre initiative qu'on avait... On s'était dit, après tout, cette exposition tout en Camon, il y a une cinquantaine de chefs-d'œuvre qui viennent d'Égypte, mais il y a un département important au Louvre avec énormément d'œuvres égyptiennes. Alors, on s'était dit, bon, on va faire une opération pour envoyer tous ces gens au Louvre. On va donc leur distribuer des billets d'entrée au Louvre gratuits, de façon à voir, à leur dire, écoutez, bon, complétez votre visite par une visite au musée du Louvre. On a distribué dans la queue, pour ça que je me souviens bien de la queue, d'un certain nombre de coupons valables pour une entrée au musée du Louvre pour voir les collections égyptiennes. Le résultat n'a pas été joyeux. Je pense que, je sais pas, on a dû distribuer, je me souviens pas des chiffres, mais enfin disons qu'on ait distribué 10 000 tickets, il a dû venir une centaine de personnes au Louvre. Ce qui, à l'époque, montrait bien que les gens venaient pour voir quelque chose de nouveau, une exposition, mais que les gens qui étaient dans l'exposition de Tutankhamon ne fréquentaient pas normalement les musées. Je suis allée plusieurs fois. Ah, bon, je suis allée presque au début. Est-ce que Mme Desroches-Noblecourt nous a fait une visite pour nous qui étions ses étudiants ? Je ne sais pas. Je me rappelle. Là, franchement, je ne me rappelle plus. Françoise Chasseran, vous vous souvenez de la foule qu'il y avait ou pas ? Écoutez, pas très bien. Je me souviens quand même qu'il y avait beaucoup de monde. Ah, je me souviens avoir fait, effectivement, avec ma nièce, elle était petite, je me souviens qu'on avait fait la queue un petit peu. Mais j'ai pas souvenir qu'il y avait, c'est pas le souvenir que j'en ai gardé. Je dois dire, cette expo m'a tellement émue, je veux dire. Et je dirais, oui, par la qualité, vraiment, c'est vrai que le masque d'or, mais il y avait pas que ça. Il y avait des objets exceptionnels, hein, enfin, je veux dire, et même des objets qui pouvaient paraître plus modestes. Hein. Moi, j'ai un souvenir d'un petit objet, mais vraiment très modeste, mais qui m'a émue profondément. C'était, si je me souviens bien, un petit lit, le lit funéraire, hein, sur lequel était couché Toutankhamon. Et des deux côtés, il y avait d'un côté l'oiseau à tête humaine, qui est l'oiseau Ba, qui évoque l'âme. Et de l'autre côté, il y avait le dieu Horus, enfin la personnification du faucon. Et cet objet évoquait, en fait, hier, le roi est mort, etc. Son âme part vers l'au-delà et il va renaître tel Horus à l'horizon du matin. Donc c'était vraiment cette idée-là qui était évoquée par l'objet. C'était un petit objet en bois, hein, tout simple, avec une inscription. Donc le pharaon avait l'air couché dans ses bandelettes, hein, puisque les inscriptions. Et surtout cet objet, tout autour du lit, il y avait une inscription qui disait que l'objet avait été offert par Maya. Maya qui était le chef des travaux. Si c'est mon souvenir, hein, je ne me suis pas replongée du tout dans le catalogue, donc je crois que c'était le chef des travaux à Amarna et qui offrait ça en gage d'amitié, en quelque sorte, à son pharaon. Et ça, j'avais trouvé que c'était merveilleux, je veux dire, parce que c'était pas grand-chose et c'était exceptionnel. Des trésors, les gens viennent si on parle de trésors. Et puis l'Égypte, alors le mystère, la vengeance de Pharaon, enfin tout ça, ça se mêle. Irène Bizot, vous arrivez en juillet 67 à la réunion des musées nationaux, donc l'expo Toutankhamon était déjà battait son plein. Absolument. Je suis arrivée à un moment où la direction des musées de France a décidé d'organiser la réunion des musées nationaux en la divisant en plusieurs services, de façon à avoir un service des expositions qui manquait cruellement pour ces grandes expositions qui s'étaient développées avec principalement trois grandes expositions qui ont été l'exposition Dans la lumière de Vermeer à l'Orangerie, l'exposition Picasso au Grand Palais et puis l'exposition Toutankhamon au Petit Palais. Donc, voyant l'impact que ces expositions avaient eu sur le public, le directeur des musées de France et son adjoint, Hubert Landais, se sont dit qu'il fallait rendre la réunion des musées nationaux un peu plus opérationnelle sur le plan des expos, et on a donc divisé cet organisme en plusieurs services, dont un service des expositions que j'ai pris en charge, mais qui était vraiment assez embryonnaire quand je suis arrivé le 3 juillet. Donc je ne peux pas dire que j'ai vraiment participé à l'organisation de l'exposition puisqu'elle battait son plein et que je n'en ai vu que le succès et la fermeture. Je veux dire, je crois que 67, ça a été le révélateur. Je pense que... Françoise Chasseran. Je sais pas, moi, j'ai jamais étudié les courbes de fréquentation de l'Égypte, mais je suis persuadée, alors c'est souvent un petit peu plus loin. Il y a eu aussi, après la grande exposition Ramsès II, si je me souviens bien, c'était 72, hein, ou 73, enfin, c'était dans ces eaux-là. En tout cas, après ces deux grandes expositions, je pense que le grand public a été extraordinairement sensibilisé à l'Égypte. L'amour de l'Égypte, c'est quelque chose qui existe depuis l'expédition de Bonaparte. Hein. N'oublions pas l'expédition de Bonaparte. Hein. Il y a quand même eu ces savants qui sont restés 2 ans là-bas, qui ont fait et qui ont révélé l'Égypte au monde un peu ébahi. Eh bien, je dirais le travail de Christiane Desranges-Neublecourt, ça a été aussi ça un petit peu. Hein. Et de montrer l'Égypte et d'inciter les gens à y aller. Et c'est très bien parce que c'est un pays qui vit du tourisme. Et il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. C'est un pays magnifique et... Je veux dire, pourquoi avoir peur ? Merci à Christiane Desroches-Noblecourt, Françoise Chasseran et Irène Bizot. Archivina, Jeannette Patsierkowski, mixage, Bernard Laniel. Toutankhamon à Paris, Amélie Meffre, Véronique Lamandour. Bonjour à vous, Dominique Farou, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous avez écouté avec intérêt, peut-être même un peu d'émotion, ce documentaire que nous avions diffusé dans La Fabrique de l'Histoire en 2006, signé donc Amélie Meffre et Véronique Lamandeau, parce que vous y entendiez une voix au moins qui vous avait frappé et marqué en tant qu'étudiant. Exactement, oui. C'est d'entendre Desroches-Noblecourt qui était mon premier professeur. Puis aujourd'hui, bah, je fais cours à l'endroit où elle faisait cours. C'est le normal. Quand on a un maître comme cela, eh bien, on veut effectivement se retrouver sur ses traces. Quand vous avez épousé justement ce métier de l'égyptologie, c'est aussi parce qu'on vous avait raconté cette belle histoire de l'exposition Toutankhamon. Est-ce qu'elle vous en parlait en cours, en l'occurrence, Christiane Desroches-Noblecourt? Ah oui. Alors ça faisait partie des sujets effectivement qu'on a eu. Alors sans ça, moi en fait mon goût il est venu de visite au Louvre quand j'étais tout petit avec mon père et avec ma grande tante. Mm-hmm. Donc voilà, c'est le Louvre, mais effectivement ça vient de visite. Et puis il y a toujours dans cette question de l'égyptologie d'abord pour ceux qui en font leur métier et puis l'égypto manie ou l'égyptophilie de ceux qui, en revanche, aiment cette période, cet endroit, ne cessent d'y retourner dans des expositions ou même en allant sur place. Et il y a quelque chose d'enfantin aussi, il y a quelque chose qui vient d'un goût de l'enfance, des merveilles, des secrets, des ouvertures de portes derrière lesquelles on ne sait pas ce qui se trouve. Complètement, c'est exactement ça. Mes étudiants disent que j'ai 7 ans quand je fais de l'égyptologie. Je pense que c'est un compliment d'ailleurs. Parce que... Comment peut-on faire d'ailleurs la différence entre égyptologie, égyptomanie, égyptophilie et en quoi justement tout ça concourt, même de façon très différente, à ce goût de l'Égypte dont on a parlé pendant toute cette semaine dans la Fabrique de l'Histoire? Oui, alors effectivement, on a bien trois façons d'aborder l'Égypte ancienne. Effectivement, il y a les égyptologues, bon, c'est leur métier. Bon, en réalité, ça ne les empêche pas forcément d'être égyptophiles et égyptomaniaques. On a ces gens qui sont égyptophiles, qui s'y intéressent, qui l'étudient, qui plus ou moins, enfin, etc., qui sont des égyptophiles. Et puis l'égyptomanie, eh bien, cela revient à mettre des hiéroglyphes partout. Quand j'étais enfant, j'étais égyptomaniaque. Je dessinais des hiéroglyphes sur les murs. Enfin, donc l'un n'est pas exclusif de l'autre. Oui. Et on pourrait presque dire, d'ailleurs, Dominique Farou, que l'un se nourrit de l'autre, en l'occurrence. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, égyptologues, ne devons pas mépriser les gens qui ont des meubles de forme pharaonique ou autre chez eux. Puisque, en fait, d'un certain côté, ils font partie de notre monde. Oui, et d'ailleurs, quelles sont les relations que l'on établit justement envers, par exemple, tous ceux qui viendront pour l'exposition Toutankhamon, puisque vous êtes conseiller scientifique de cette exposition à la Villette, le trésor du Pharaon, ceux qui viendront sans rien connaître de l'Égypte d'autre que le nom de Ramsès II ou le nom de Toutankhamon? Oui, alors justement, ce qui est bien dans cette exposition, c'est qu'elle est vraiment ouverte à tous. Elle est didactique et puis de toute façon, je dirais, tout le monde va être émerveillé par ça, quoi. C'est-à-dire, quand on est devant, on devient un petit enfant. On est dans le trésor, la caverne d'Ali Baba. C'est magnifique. Et puis, il faut se laisser aller, quoi. Alors, Christiane de Roche-Noblecourt, elle avait soutien du général de Gaulle à l'amitié entre la France et les pays arabes, a également le soutien du ministre de la Culture de l'époque, qui était André Malraux. On l'a entendu dans ce documentaire. Et André Malraux, qui évidemment réfléchissait dans sa grammaire des civilisations à sa façon, d'une certaine façon, dans son musée imaginaire, à ce que l'Égypte avait apporté à l'ensemble de l'humanité. Et qui réfléchissait à cette question de la vie et de la mort. C'est vrai que c'est assez étrange que de penser à cette civilisation, cette culture et à Toutankhamon par ce biais-là. Et pourtant, c'était une façon d'aborder la question de ces pharaons, de leur mort et de ce qu'il nous avait resté. Parce que tout compte fait, c'est un des ce qu'il nous avait légué, c'est un des rares tombeaux qui a été légué dans sa quasi-intégralité, en l'occurrence Dominique Farou. Effectivement, et on n'en aura pas d'autres probablement. Enfin oui, il n'y en aura pas d'autres parce que c'était le seul roi du Nouvel Empire qui avait été occulté, donc dont on avait oublié la tombe. Et quand les pillages à la fin du Nouvel Empire ont eu lieu, eh bien, puisque personne ne savait plus que ce roi avait existé, on n'allait pas chercher sa tombe pour la piller. Alors, on sait que le mobilier est du même ordre que celui des autres rois de la même époque, quoi. Ça, c'est clair, parce qu'on a quand même quelques éléments qui ont survécu, le décor des tombes, etc. Voilà, quoi. Mais ce qui est effectivement très intéressant, c'est de voir que les Égyptiens nous ont laissé les témoignages de leur existence majoritairement à travers leurs tombes. Mmh. Et en fait, ça vient d'eux, ça vient pas de nous. C'est-à-dire que c'est par leur intermédiaire et la façon de conserver les corps et de conserver les tombes en particulier des plus célèbres des Égyptiens ou de ceux qui les entouraient que l'on peut connaître cette civilisation, oui. Cette culture. Oui, oui. Alors, bien entendu, nous fouillons aussi des villes, des carrières, des villages, enfin tout ce qu'on peut. Mais effectivement, les Égyptiens quand même ont ça de particulier d'avoir laissé des quantités inimaginables de témoignages, de momies, de tombes, de mobilier de façon incomparable, en fait. Alors, ce qui est extraordinaire avec la recherche, c'est que lorsqu'on a découvert en 1922, c'est ça, Howard Carter et Lord Carnarvon découvrent ce tombeau de Toutankhamon, cela fait énormément de bruit. On sait combien ça a été relayé dans le monde entier à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que un tel matériel archéologique peut permettent de travailler pendant des dizaines, voire des centaines d'années. On sait combien certaines découvertes de d'autres types de cultures liées à l'Égypte, comme la grande Géniza du Caire, par exemple, découverte au début du XXe siècle, continuent à alimenter le travail des chercheurs aujourd'hui. Et on pourrait dire presque que c'est la même chose, Dominique Farou, pour ce tombeau de Toutankhamon. On pouvait se dire, une fois qu'on a inventorié tout ce qu'on y a trouvé, qu'on a restauré ce qu'il y avait à restaurer, c'est terminé, et ça n'est jamais terminé en l'occurrence. Non, c'est pas terminé. Puis alors, exactement, c'est la première fois qu'on me le compare avec la Géniza du Caire, et je trouve que c'est exactement ça. C'est-à-dire que, effectivement, cette Géniza du Caire s'est conservée dans une synagogue des milliers, voire des dizaines de milliers de documents qui ont été conservés par-delà le temps parce qu'ils portaient le nom de Dieu, en l'occurrence, dans cette synagogue. Et on n'a pas fini d'inventorier, on n'a pas fini de relire, de comprendre même la totalité de ces documents. C'est la même chose, vous avez l'impression, pour Toutankhamon ? C'est exactement la même chose. Non, mais vraiment, vous m'avez étonné, là, parce que c'est vrai que c'est lumineux. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on a découvert, par exemple, depuis la grande exposition de 67, dans ce tombeau de Toutankhamon, et de ce tombeau de Toutankhamon, qu'est-ce qui a été nouveau, d'une certaine façon? Parce que j'imagine que la recherche avance, les recherches ADN sont là, les moyens de radiographier les objets sont là également, alors qu'ils l'étaient peu à ce moment-là. Donc, en 50 ans, la recherche a beaucoup avancé au point de vue technique. Ça a aidé à mieux comprendre ce qu'était ce tombeau. Oui. Ça nous aide à mieux comprendre et en même temps ça nous ouvre, ça nous pose de nouvelles questions continuellement. Et effectivement, il y a des techniques aujourd'hui absolument incroyables. Alors moi qui suis né au XXe siècle, comme moi d'ailleurs. Voilà, j'ai l'impression quand je travaille avec mes collègues d'être dans Star Trek, vous voyez, parce que de les voir faire des choses absolument incroyables, des photos en 3D où on peut zoomer comme avec un microscope, donc ce qui permet de voir des traces d'outils, de réparations, de choses qui sont pratiquement invisibles à l'œil nu, d'analyser les matériaux comme on pouvait pas le faire avant. Enfin, etc., etc. Et puis, par exemple, de voir la trace d'un autre nom caché sous le nom de Toutankhamon. Alors, soit son nom antérieur de Toutankhaton, soit le nom d'un de ses prédécesseurs, par exemple. Enfin, etc., etc. C'est incroyable. Et en particulier, je crois qu'on a découvert récemment, c'était dans les années 2000, les bébés momifiés qui étaient à l'intérieur de ce tombeau. On a révélé que les deux minuscules bébés qui étaient à l'intérieur, qui avaient été découverts dans le tombeau, étaient presque certainement les enfants de Toutankhamon qui étaient morts très jeunes, c'est cela ? Oui, c'est une certitude. Alors, ils avaient été découverts au moment de la l'ouverture. Oui, c'est ça. En 2010, quand ils ont fait les analyses ADN, on a pu démontrer, d'abord, on a scanné aussi. Et donc, on a pu savoir exactement à quel âge ils étaient morts. Donc, ce sont des enfants morts-nés, en fait. Et on a pu être certain que c'était bien deux filles de Toutankhamon. Enfin, voilà quoi. Et donc là, c'est touchant. Ça signifie effectivement que la recherche avançant, on a mieux compris le personnage de Toutankhamon, son époque. On s'est attelé à essayer de comprendre pourquoi il était mort, dans quelles conditions il était mort, mais peut-être aussi l'ensemble de son époque, de sa place dans cette dynastie qu'il avait au fur et à mesure oublié, en l'occurrence, Dominique Farou. Enfin, on l'avait oublié, on l'avait oblitéré. Oui, c'est ça. Quand je dis oublié, on l'avait oblitéré volontairement. Volontairement, oui. C'est fou d'ailleurs parce que c'est ce qui l'a sauvé. Oui, c'est-à-dire que c'est le plus connu de tous les pharaons d'Égypte et peut-être même de toutes les personnalités historiques. Je ne sais pas. Hein, mais, avec Ramsès II, peut-être. Je pense que si vous allez au Tibet, vous demandez qui est Toutankhamon, les gens le savent. Ouais. Ramsès II, je ne suis pas sûr. Et pourquoi l'avait-on oblitéré, justement, ce personnage de Toutankhamon ? Alors, en fait, son problème, c'est qu'il était le fils de Akhenaton, qui était un roi qui a, lui, oblitéré le roi des dieux Amon au profit de son dieu personnel. Un nouveau dieu qui s'appelait Aton. Voilà, qu'on appelait le disque vivant, Atonindre. Et le problème, c'est que Toutankhamon était né Toutankhaton, donc l'image vivante du disque solaire. Il était donc entaché de ce péché originel, si vous voulez. C'est lui qui est normalement la personne qui rétablit le culte d'Amon. Mais à la fin de la dynastie, il n'y a plus de descendants pour cette famille. C'est le général en chef des armées égyptiennes, Horemheb, qui était déjà général à l'époque d'Akhenaton, donc qui n'était pas si clair que ça dans cette histoire, qui a voulu montrer à quel point il était ammoniste et non pas atoniste, et donc a effacé ses prédécesseurs. Pour rétablir la religion des anciens et donc oblitérer cette religion qui avait été inventée par le père de Toutankhamon et poursuivie même quelque temps par Toutankhamon avant qu'il ne change. C'est bien cela. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée qu'on voulait les remettre à l'écart. On voulait les remettre à l'écart, mais surtout, lui, il voulait être le grand champion du culte d'Amon, parce qu'il fallait faire oublier aussi que c'était un résistant de la dernière heure, si vous voulez. Ça, c'est assez extraordinaire. Comment en arrive-t-on, justement, à comprendre ses motivations? On a peu de traces écrites, justement, de ces questions qui tournent autour de ces changements de religion. On évitait, j'imagine, que de se revendiquer de la religion telle qu'elle avait été mise en place d'Aton. Et donc, comment sait-on cela? Est-ce que c'est une sorte de déduction pour comprendre, justement, les motivations d'un général comme celui-ci qui reprend le pouvoir après la mort de Toutankhamon, en l'occurrence de Ménik Pharaon? Oui, alors, en fait, on lit entre les lignes, puisque les Égyptiens nous donnent juste la version officielle, et donc on essaye de deviner un peu ce qu'ont pu être les choses. Alors évidemment, les motivations personnelles d'Horemheb, je ne peux pas les connaître, nous ne savons pas qui sont ces gens. Quand je dis Horemheb pense ça, ça veut dire le gouvernement égyptien de cette époque réagit comme si, et donc probablement que c'est pour telle raison. Maintenant, est-ce que c'est Horemheb lui-même, ses proches conseillers qui vont être le futur roi Ramsès Ier et Séti Ier, qui eux aussi d'ailleurs vont poursuivre ça. Enfin, vous voyez, en réalité, nous ne touchons jamais réellement la personnalité intime. Parce que ce qui frappe dans cette découverte du tombeau de Toutankhamon, c'est qu'on touche à la fois à la représentation du souverain, mais aussi un peu à son intimité et donc un peu à sa vision du monde, ce qui est parfois assez difficile d'appréhender dans d'autres cas, à d'autres moments de l'histoire égyptienne, Dominique Farou. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on a quelques petits indices de la vraie vie de Toutankhamon. Bah déjà, on a son état de santé, on a des objets d'enfant, on a des mots laissés par ceux qui l'ont enterré en disant voilà, un tel a fait tel cadeau au roi, enfin vous voyez, pour dédié pour sa tombe. On connaît le nom de la personne qui a organisé tout ça, qui s'appelait Toutmès, qui a laissé une inscription à l'encre, où on sait que c'était lui, vous voyez, etc. C'est rarissime, ce côté personnel comme ça dans l'histoire antique, en fait. Et cela, évidemment, ça fait plaisir, ça fait même, ça surprend et ça étonne l'égyptologue que vous êtes, Dominique Farouk, d'avoir autant de richesses dans un seul même endroit, rassemblées dans le tombeau de Toutankhamon, mais rassemblées dans le futur grand musée du Caire, donc d'ici quelques temps. parce que on peut à la fois s'en étonner, s'en surprendre, être saisi de la beauté de ces objets, mais en même temps se dire qu'il y a là un ensemble cohérent qui permet de comprendre un univers. Oui, tout à fait. Ça, c'est clair, c'est-à-dire que ça nous touche à plusieurs niveaux. Et alors, quand j'ai commencé à prendre les hiéroglyphes, le premier niveau, je l'ai beaucoup regretté sur le coup. J'ai cru que c'était fini, que je serais plus émerveillé. Et puis, en réalité, ça ne change rien. Donc, ah oui, vous voulez dire qu'il y a comme des couches successives, c'est ça, vous d'apprentissage avez... Et puis vous gardez vos sentiments en fait tout en travaillant de façon impersonnelle, parce que quand on est historien, il faut que ce soit un vrai travail, quoi. Faut pas leur faire dire ce qu'on a envie d'entendre, mais ça n'empêche pas d'avoir de ressentir des témoignages poignants. C'est extraordinaire. Des sentiments. Quoi. Des sentiments, oui. Et pas simplement les sentiments propres, mais les sentiments aussi de ceux que l'on étudie. Oui, ce qui est poignant, c'est de ressentir les leurs de sentiments. Qu'est-ce qui a changé justement en fréquentant pour la préparation d'une exposition comme celle-ci, donc Toutankhamon, le trésor du pharaon, à Paris, à la Grande Halle de la Villette, à partir de la fin de la semaine? Qu'est-ce qui a changé pour vous, justement, de fréquenter, en tant que conseiller scientifique, l'ensemble de ces documents qui vont être rassemblés là, de les voir ensemble, de se dire, tiens, on va les placer comme ça, en discutant avec les autres organisateurs de cette exposition. Qu'est-ce que ça change, justement, de les approcher d'aussi près? Ça donne la chair de poule. Non, c'est extraordinaire. Je vous dis, à chaque fois que ces objets apparaissent, j'ai vraiment l'impression de redevenir un petit garçon. Je vous assure, c'est extraordinaire. Et c'est pas simplement une formule, vous voulez dire? Non, c'est j'ai eu pas surtout que régulièrement il y avait des journalistes à côté, donc j'étais enregistré ou autre et j'avais l'impression d'être ridicule parce que puis en fait ils m'ont avoué que eux aussi ça leur faisait le même effet, donc tout va bien. Alors, dans ce type d'exposition, et on l'a entendu avec le documentaire que nous avons rediffusé, Sigui Amélie Meffre et Véronique Lamandour sur l'exposition de 1967, il y a une dimension spectaculaire, il y a une dimension événementielle. Et c'est vrai qu'aussi, on voulait en profiter pour parler de cela, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que cela fait d'avoir un événement autour de Toutankhamon, comme cela a été le cas en 1967, 1 200 000 visiteurs en l'occurrence, et la déception de l'autre côté, on l'a entendu, de ceux qui voulaient distribuer des billets d'entrée gratuits au Louvre pour venir voir d'autres merveilles de l'Égypte au Louvre, qui avaient remarqué qu'il y avait très peu de gens qui en avaient profité. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de double aspect à ce type de grande exposition monstre? On vient pour l'événement, on vient pour la surprise, on vient pour la beauté, mais ça ne fait pas entrer pour autant beaucoup de gens dans la connaissance ou l'approche de cette histoire-là, en l'occurrence, Dominique Faron. Oui, alors, je serais plus mitigé, je pense, parce que, effectivement, personne, là c'était clair, d'ailleurs j'étais frappé de ça. Lorsqu'on a entendu le documentaire, qui était très bien d'ailleurs, et d'apprendre qu'il n'y a que quelques centaines de personnes qui sont allées au Louvre à la suite de ça. Mais je pense que quand même, ces grands événements servent quand même à quelque chose, parce que les gens qui ont vu ça vont garder le souvenir de ça toute leur vie. En fin de compte, à l'arrivée, savent à peu près que Toutankhamon a existé et à quoi ça correspond. Je dis Toutankhamon parce que là, nous c'est sommes Toutankhamon, avec lui, voilà. Mais peu importe l'événement. Hein. Et je pense qu'à long terme, ça ouvre quand même l'esprit des gens. Ça, vous savez, c'est une graine qui se plante et ça pousse pas si vite que ça, quand même. Et je pense que la réaction qu'on a vue était... bien entendu, une grande déception, mais que de ne pas voir les gens entrer au Louvre, oui. Ouais. Mais je pense que le truc c'est ça, c'est voyez, vous plantez le gland d'un chêne et vous croyez que dans 6 mois il va y avoir un chêne. Or, mais ça peut être une génération plus tard. C'est ça. Ça peut faire que 20 ans plus tard, on devienne égyptologue. C'est ce que vous voulez par dire. Par exemple. Je pense que les parents peuvent raconter aux enfants ce qu'ils ont vu, donner envie d'aller voir des choses ailleurs, de regarder des livres. Et je pense que de toute façon, ça sert à quelque chose. Ça, c'est vraiment important. Alors, en approchant de près ces merveilles donc qui vont être présentées à la Villette, Vous avez été, j'imagine, vous-même touché, surpris par certaines d'entre elles. En tant que spécialiste et en tant qu'égyptologue, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a ému particulièrement, soit parce que vous l'aviez déjà vu dans un autre contexte et que ce contexte où on rassemble ces objets ensemble est différent, soit parce que simplement vous ne connaissiez pas tel ou tel de ces objets ou ils vous étaient un peu étrangers et que d'un seul coup vous aviez découvert une sorte de force intérieure à ces œuvres d'art qui étaient présentées, qui seront présentées donc à la Villette. Alors, ces objets, d'abord, bon, je vais régulièrement en Égypte, donc j'ai dû les voir peut-être des centaines de fois. C'est la première fois que je les vois de cette façon. Alors, c'est-à-dire la présentation, la lumière est extraordinaire, les vitres sont extraordinaires. Et puis, il y a une chose, tout simplement, j'ai pu tourner autour. Par exemple, les bijoux, on voit le dos. Alors, je vous conseille, quand vous irez voir l'exposition, de tourner derrière les vitrines et de regarder le dos des bijoux, parce qu'on ne s'y attend pas. Et ils sont aussi beaux sur la face cachée que sur la face à voir, et tout aussi travaillés. Et ça, par exemple, on ne peut pas le voir au Caire, parce qu'ils sont posés sur un support. Le grand gardien noir et or, ouais, par exemple, bien, on ne peut pas tourner autour puisqu'il est adossé au mur. Et là, on peut. Déjà, voilà, rien que ça, c'est extraordinaire de pouvoir tourner autour d'objets. Est-ce que c'est un surplus de connaissances ou est-ce que c'est un surplus d'émotions, en l'occurrence Dominique Farou, qu'on peut toucher? Les deux. Ça m'a fait les deux. Parce que d'un côté, je voyais d'abord moi-même, je ne m'attendais pas toujours, parce que on n'a pas toujours les photos de ces dos. Donc parfois, c'était pas comme je m'y attendais. Alors, il y a la surprise, la joie, et puis tout de suite de regarder les traces, comment ça a été travaillé, et puis de se demander pourquoi avoir rajouté tous ces détails sur la face qu'on ne voit pas, par exemple. Voilà, ce sont des questions d'ailleurs que les égyptologues n'ont posent, mais ils n'ont pas de réponse pas pour l'instant. On y réfléchit beaucoup. Pas tous. Nous sommes quelques-uns comme ça à être historiens d'art et à s'intéresser vraiment à ces aspects-là. Par exemple, Dimitri Labouré, qui est un de mes amis. Qui est le meilleur, je pense, sur ces questions-là, d'ailleurs. Alors, il y a un début, puisque c'est un début, que cette exposition de Paris, mais elle va tourner dans le monde entier, dans beaucoup de lieux et dans beaucoup d'endroits, en l'occurrence, avant qu'elle ne trouve donc son aboutissement dans la réalisation de ce grand musée, nouveau musée du Caire. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle institution? On connaît l'importance qu'a eu par exemple la création du Grand Louvre par François Mitterrand et par Jacques Lang, ministre de la Culture, pour la popularisation de toutes les œuvres qui étaient installées à l'intérieur du Louvre, mais surtout peut-être aussi pour de nouvelles circulations, de nouvelles façons de voir ces œuvres. Qu'est-ce qu'on peut attendre justement, Dominique Farou, de ce grand projet qui ouvrira à peu près dans combien de temps d'ailleurs au Caire? Alors ça va ouvrir en 2022. Alors c'est très intéressant parce que ce sera le centenaire de Toutankhamon et le bicentenaire de l'invention de l'égyptologie. Par Champollion. Lettre à Monsieur Dacier, 1822. Alors d'ailleurs, je voudrais rétablir quelque chose là-dessus. En 1822, Champollion n'a pas déchiffré les hiéroglyphes. Il commence à dire comment il va s'y prendre. En 1824, il explique plus précisément. Et c'est seulement dans les années qui suivent qu'il a vraiment déchiffré les hiéroglyphes. Parce que c'est de la géographie de croire que un matin, vous savez, il a regardé, ça y est, et il est tombé dans les pommes et ça y est, il lisait les hiéroglyphes. Oui. C'est de la science-fiction. Ça n'est pas Newton sous son pommier, en l'occurrence. Oui, et puis même Newton sous son pommier. Ça n'est pas ça non plus. C'est ça, il comprend quelque chose et il sait comment il va s'y prendre pour faire la démonstration. Mais est-ce que ça n'est pas d'ailleurs une des questions que pose l'égyptologie, c'est-à-dire que devant de telles merveilles artistiques, d'une certaine façon, on serait saisi au point qu'on les comprenne, alors que l'on sait, et vous le savez mieux que n'importe qui, Dominique Farou, que c'est un long travail pour comprendre, oui, pour entrer dans les mentalités, etc. Est-ce qu'il n'y a pas ce tiraillement entre le flash que l'on prendrait devant une œuvre qui serait tellement belle qu'on la comprendrait de soi-même, comme Malraux pouvait le penser, par exemple, et puis de l'autre côté, ce travail lent et patient qui est le travail du chercheur? Oui, alors en fait, c'est pas antinomique, parce qu'on a Je veux dire, on peut très bien être frappé. Enfin, vous êtes touché par la beauté de l'œuvre. Il y a des choses qui arrivent immédiatement. Je parle vous, oui, voilà, qui n'avez pas fait d'études d'égyptologie. Oui. Et c'est tout aussi important. Et puis, il y a le niveau de connaissance. De connaissance de l'égyptologue. Et là, bien entendu, c'est plus long. C'est... Et puis parfois, d'ailleurs, on a un flash qui, en réalité, est le résultat de, je sais pas, 10 ans de travail. Et on réalise d'un seul coup qu'en fait, on a compris. Ça, c'est autre chose. Merci beaucoup, Dominique Farou. Vous êtes conseiller scientifique de l'exposition qui ouvre donc après-demain, puisque c'est en fin de semaine. Tout en Camon, le trésor du pharaon, donc à la grande halle de la Villette. On sait quand elle démarre, on ne sait pas quand elle se termine. On espère que ça durera longtemps, comme ça avait été le cas pour l'exposition de 1967, qui avait été poursuivie pendant plusieurs semaines après le succès public qu'elle avait eu. Merci en tout cas d'être venu en tant qu'égyptologue et conseiller scientifique pour nous présenter cette exposition Tout en Camon, le trésor du pharaon. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Dalia était avec nous à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation. Écouter ou réécouter cette émission ainsi que toutes les autres consacrées à l'Égypte cette semaine dans la Fabrique de l'Histoire, allez sur le site internet de France Culture, franceculture.fr, à la page de la Fabrique de l'Histoire. Vous pourrez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Fabrique FC, à demain.